Chacus. Schrap, c'est côté obscur. Yeah. J'écris ma plume grâce à son côté obscur, à la fois heureux, à la fois perdu. Oui monsieur le juge, voyez ce que j'accuse. Sans aucune ruse, je viens la jouer ma muse. Je vais écrire ma plume, je grâce à son côté obscur, à la fois heureux, à la fois perdu. Oui monsieur le juge, voyez ce que j'accuse. Sans aucune ruse, je viens la jouer ma muse. Pour commencer, je viens tout balancer, cet avenir balafré, pour toujours opprimé, auquel on est muté, la charte nous a quitté. Non monsieur le juge, je ne veux plus d'acquitté, car sans ambiguïté, c'est de là que nous a élevés. J'accuse les hauts placés, qui n'en a jamais tassé, j'accuse tous les condés, qui sont corrompus, qui ne pensent qu'à l'argent ou la justice est une pute, alors que pour le peuple, la vie est une lutte. Même dans un sorte de pas, ne trouvera jamais de but. Voyez-vous à ce jour, nos darons manquent d'argent. Certains vont en prison, d'autres finissent en dépression. Oui monsieur le juge, associe Sarkozy. Que monsieur son image, car tous nos soucis. La France est une république, mais une dictature. On retrouve beaucoup moins d'or que de sang sur les murs. On aperçoit une os des prix, mais pas de la vie. On ne m'écoute pas, donc je vais donner mon avis. Les gens ont besoin de force, c'est pourquoi je représente. L'horizon est trouvé là, c'est pourquoi je vous le chante. Écoute ma musique, que tu m'arranges pour les filles. Les essais défilent et toujours plus de public. J'écris ma plume, rap sur son côté obscur, à la fois heureux, à la fois perdu. Oui monsieur le juge, voyez ce que j'accuse. Sans aucune ruse, viens là, je m'amuse. J'écris ma plume, je rap son côté obscur, à la fois heureux, à la fois perdu. Oui monsieur le juge, voyez ce que j'accuse. Sans aucune ruse, viens là, je m'amuse. Pas d'exemple à donner. Yeah. Pas d'exemple à donner, exemple à donner, car l'homme est imparfait. Nous tout ce qu'on veut, c'est de la liberté. Nous tout ce qu'on veut, c'est de l'égalité. Nous tout ce qu'on veut, c'est de la fraternité. C'est la devise de la France, mais jamais respectée. Puisqu'à cette heure annoncée, on va tout niquer. Certains sont vulnérables, d'autres sont des profiteurs. Oui, monsieur le juge, ce monde me fait peur. Oui, je rappe pour tout communiquer. Oui, au départ, t'es juste pour m'amuser. Mais monsieur, voyez-vous, le monde a changé. Yeah, le monde a changé. Je vais créer ma plume, je rappe son côté obscur, à la fois heureux, à la fois perdu. Oui monsieur le juge, voyez ce que j'accuse. Sans aucune ruse, je viens la jouer ma muse. Je vais créer ma plume, je rappe son côté obscur, à la fois heureux, à la fois perdu. Oui monsieur le juge, voyez ce que j'accuse. Sans aucune ruse, je viens la jouer ma muse. Yeah, oui j'accuse. Oui j'accuse. Oui, j'arrive sans côté obscur.